Je suis arrivée à Renal en 1960. Et quand je suis arrivée à Renal en 1960, ce n'est pas Renal que c'est maintenant. Il n'y avait rien de tout, de tout. Il n'y avait pas beaucoup de maisons. Il y avait rien que de la campagne. On n'avait pas de grands magasins. Pas la Migros, pas tout ça. Ils avaient tous des petites épiceries. Et puis pour nous, qu'on est arrivé depuis la Sicile, ici, on était perdus. Puisqu'on ne connaissait pas la langue. Vous voyez, c'était un peu dur de parler sicilien puis le français. Et puis alors, petit à petit, bon, mon mari s'est trouvé un travail avec la COP dans le charbon. C'était un travail très dur. Et moi, j'ai été à travailler aussi dans une usine de papier, ça s'appelle Retripa. Ça existe toujours, mais c'est une usine où ils amènent tout du vieux papier. Et puis on devait tout choisir, le papier sec, le papier illustré, tout ça. C'est aussi vraiment très dur. Hein? Et puis qu'est-ce qu'on gagnait? Je ne pense pas vous le dire, 2,20 francs de l'or. On était contents quand même, parce que là, nous, on est sortis de la Sicile, qu'on n'avait pas de travail. Hein. Et moi, pour commencer, parce que j'avais les enfants petits, je faisais 3 heures par jour à la laiterie, à la COP, toujours la COP. Hein. J'avais trouvé une deuxième famille, disons. Et qu'est-ce que je gagnais? 3,20 francs. Mais bon, c'était bien, pour nous, c'était bien, hein. C'était le paradis. Hein. Et pour vous dire la vérité, j'ai fait 31 ans de fidélité à la COP. Moi, je suis un danseur latino depuis à peu près une vingtaine d'années. Donc, je pratique donc les danses latino-américaines, notamment la salsa. J'aime bien donc cette danse parce que ça permet donc de rencontrer les gens, d'avoir un contact direct avec les gens et puis de faire toujours de nouvelles amitiés, quoi. Moi, quand je suis arrivée à la gare d'Ornans, parce que j'avais travaillé jusqu'à 5 heures l'après-midi, puis je venais rejoindre mes parents ici. Je venais de la gare. J'arrive au Grand Hôtel. Dans le Grand Hôtel, il y avait une mercerie, puis je regardais la vitrine et je me suis fait accoster. J'avais 18 ans, hein. Et puis, moi, bon, non, mais je suis pas telle et telle, hein, je sais pas ce que... Ah, mais on peut aller boire un café, un peu comme le Grand Hôtel était là. J'ai dit, oh non, non. J'arrive à la maison, je dis, Renan, ben quelle horreur, on peut pas regarder une vitrine sans se faire accoster. Mais Renan avait une salle renommée à l'époque. Alors, depuis 18 ans, ben, j'ai fait ma vie ici, je me suis mariée, j'ai mes enfants et tout. Et bon, ben, moi, il m'est arrivé un malheur, j'avais 24 ans. Mon mari était tué dans un accident de travail chez Temnalduc. Je ne sais pas si vous connaissez l'entreprise Temnalduc. Ils avaient avant, où il y a la grande salle, il y a le carrefour en bas, il y avait une ferme là, puis ils travaillaient là. Et c'était récupération et tout. Puis il y avait des fûts sur le côté de la maison, vides, qui enlevaient le couvercle pour mettre de la chenille dedans, quoi. Et puis, il a toujours dit, il ne faut jamais ouvrir un fût au chalumeau, parce qu'il faut voir ce qu'il y a dedans. On ne sait jamais. Est-ce que lui, il est enrhumé, ou j'en sais rien, il a ouvert un fût, puis il a pété la figure. Moi, j'étais enceinte de 6 mois. Donc, j'allais prendre le tram à la croisée, parce qu'il y avait encore le tram à l'époque. Puis je vois l'ambulance monter, je dis, eh ben, heureusement que je ne traverse pas la croisée maintenant, je me serais fait choper. Eh bien, dans l'ambulance, c'était mon mari. Je suis allée faire mes commissions, je suis revenue, j'ai vu l'ambulance, mais je ne savais pas que c'était mon mari qui était dedans. Et puis voilà, puis le soir en rentrant, ben, j'ai appris. Donc j'étais enceinte de 6 mois avec une fille de 15 mois. J'ai fait toute ma vie à Savigny. Non, c'était des films de Renan, 77. À l'époque, j'étais j'ai trouvé un appartement à la rue des Alpes. C'était le, l'assistance sociale d'Amiro qui m'avait trouvé l'appartement à la rue des Alpes. Parce que j'habitais, c'était des appartements, ça appartient à la micro. J'étais 23 ans à la centrale des fruits et légumes à Écublin, centrale de préparation à 23 ans. J'ai commencé, j'avais 29 ans. Ça fait 57 années. Hein, ça fait un bout. Hein. Ouais. Pendant 4 ans, c'est fiancé à 85. On a trouvé un appartement plus grand au 14 avril. Franchement, je ne sais pas où je voulais. Bon, on aurait pu déménager plus vite à l'époque. Mais je ne sais pas où. Franchement, je ne vois vraiment pas où je peux aller habiter. Je suis né en 1926. Il y a longtemps, non? Et Madrid, je suis arrivé en 1900. Et ben, non. 1963. Mon mari est arrivé avant 3 mois, avant moi. Il a trouvé un appartement, il a trouvé travail tout de suite. Et j'arrivais avec trois garçons. Lui est arrivé primero pour trouver travail, appartement et tout ça. Parce qu'en Espagne, il n'y avait pas beaucoup de travail et après, le salaire s'était trouvé. J'arrivais dans les trains jusqu'à Evian. Et à Evian, on passait pour les lagos. On a traversé les lagos avec moi et trois enfants parce que ce n'était pas facile de passer avec les enfants à cette époque. Mon mari avait déjà demandé le permis pour rester ici avec les enfants. Il s'était permis déjà. Et après, je suis arrivé, il a trouvé travail tout de suite parce que c'était électricien. Et après, quand j'ai arrivé, je travaillais aussi à Cheiril, je ne sais pas si vous connaissez. Cheiril, ici à Arena, maintenant c'est le calme. Avant, c'était des bas et pullover. Et mon mari travaillait debout dans les ascenseurs. Okay. L'ascenseur, c'est dit comme ça, ascenseur. Il travaillait ça parce que c'était électricien. Il fait les cartes électriques. Et après, il entrait à Cheiril aussi, parce que c'était mécanicien de la machine à coudre et tout ça. D'Espagne, il y avait quelqu'un, mais surtout italien, beaucoup italien. Et espagnol aussi, mais moi.